On n'aime pas les moutons, les moutons, les matons. Je fume comme le père du matin, que j'entends, je m'en tape. On n'aime pas les moutons, les moutons, les matons. Je fume comme le père du matin, que j'entends, je m'en tape. On va faire des braquages vocales en mental. Je connais. Je vais leur casser la tête, fils. Je vais leur casser la tête, fils. Je vais leur casser la tête, fils, y'a rien qui m'arrête. Le Steven Zabarette, un moula dans la cigarette. Le vénéro de ma rage, comme ça rien vous m'arrête. Mon studio, j'envoie la rage, le style dans la RS. Bon, tu l'ouvres trop, je vais t'éjecter. Je vais monter ma caisse, pas tracteur détecté. Une fausse amitié, suspecté. Je crois que je vais me faire une pause de nain, histoire qu'il puisse becquer. Je vais te casser, si te laisse m'en passer. C'est les choses du passé, je perds d'avant tout le temps, même si malheur que tout d'un bon matin je lève, je me fais un perso, je te rassure la débrouille, je passe pour percer. Au cas où t'as oublié, là c'est la zone en personne. Par les zéros et les haras, j'ai été bercé. Je suis pas les boss, mais je les crosse. En boîte pour les perdre en série cross. D'origine corse, je mets droit le cross. J'arrive en crabe pour eux c'est atroce. Lunettes comme matrice, gazeuse matraque. Il me reste un point en volant où je fume la drogue. Elle veut que je la drague, que je fasse une drake. Elle veut la bague, mais moi je bug. Qu'elle tourne la bague en bête. J'fais que des plans, j'fais le pain, j'fais le plein, j'passe par bas le plan, j'récupe le zin, à la zin, oh la zin, ma vie met des coups de frein, ouais, oh le zin, oh le zin, oh la zin, ma vie met des coups de frein, ouais, j'sais qui pense tout, j'suis d'ensemble, pas plus sept, entre nous on sait qui est qui, on le sait, c'est un fou, on le sent, s'il y en a qui fait le bout, j'arrête, on le sort, évite de faire le bouille, faut t'arrêter de porter des couilles, tu vas avoir des embrouilles. Sous le casque intégral, y'a des mauvais garçons. Sous l'ensemble qu'il soit, y'a un cœur en glaçon. Le bout du calibre touche les couilles quand tu le mets dans le caleçon. Il fait le mec plein, tout bidon, que des contre pas les boutons, les boutons, les matons. Je les fume comme le bec du matin. Ce que j'entends, je m'entends. Faut qu'à faire des blagues. Je m'entends pour qu'à faire des vrais cachets.